Alors, salut mon pote, tu veux savoir où je suis? Quelle fois le super flic? Ben là, je suis en planque dans Paname, mon pote. Bon, quoi, tu veux savoir elle est où ma bebon? Bah, je le dirai tout à l'heure, là, on va partir en freestyle, je vais te pirater les ondes de cette putain de radio la plus écoutée, la plus dérapée de ce putain de terre, mon pote. Bon, t'es prêt? Parce que là, ça va être chaud. Freestyle, mon pote. Yo, ok. Freestyle, freestyle, freestyle. Cette putain de bombe, mon pote, ben va la chercher, elle est dans le trou du cul de la statue de Charlemagne, mon pote. Allez, sinon on va faire pas. Allez, go. Yeah. Allez, dédicace à tout, mais et ça reste R.A.P. R.A.P.